Analyse du 17 février 2023, Pierre Lothieri, cher Pawan. Ma foi dans le 17 et mon rapport avec ce nombre. Il y a ceux qui ont la foi dans le plan, et puis il y a les autres. Après une discussion avec la Z-Team lors d'une de nos sessions de travail en visio, toutes et tous m'ont conseillé de réaliser ce podcast très personnel, moi-même. Alors une fois n'est pas coutume, je vais me lancer dans l'exercice sur cette chronique du Sherpa que je dédicace à toute cette équipe de belles âmes, mais aussi spécialement à mes deux merveilleux enfants, Joris et Léa, et bien sûr à leur maman, Aline Martel. Pour les derniers arrivés sur ce canal du Sherpa, je vous refais un petit rappel de l'importance du 17 dans la complosphère et ensuite dans ma vie. La lettre Q, Q est la 17e lettre de l'alphabet. Q est l'organisme américain d'information de l'Agence nationale de sécurité. La NSA, vers les Anon de fin 2017 jusque fin 2020. Les Anon sont les anonymes de Q. Les Anon sont les soldats numériques, les patriotes et résistants de la première heure. 17 ou 17 est un code récurrent dans les communications de la Q-Force. Le chapitre 17 est l'Apocalypse selon Saint Jean, dont fait référence Q. 17 renvoie à Q et à la Bible apocryphe de Q. Les synchronicités qui me lient au 17 sont très nombreuses depuis 2020, mais en voici quelques-unes datant de bien avant, avec le 7 et le 17. Pour la petite histoire, j'ai intégré l'armée belge le 17 septembre 1987. Et durant ma carrière, j'ai vu deux fois la mort de très près. Mais cette dernière a fait demi-tour en courant. Le 17 est mes épreuves. La première fois que j'ai vu la mort de près, c'était dans la nuit du 7 au 8 juin 1999 en Allemagne, lors d'un accident en manipulant un explosif de l'armée lors d'un exercice de piégeage dans les bois. La fatigue, une erreur de manipulation, et c'est l'accident. In fine, j'y perdrai mon œil gauche, mes tympans seront flingués et mon visage sera gravement brûlé. Le choc psychologique causé à ma femme par cette annonce le 8 juin, ajouté à l'état déplorable dans lequel elle m'a vu le 14, vont déclencher son accouchement prématuré. C'est ainsi que ma fille Léa viendra au monde à Arlon le 15 juin, après 7 mois de grossesse. La seconde fois que j'ai vu la mort de près fut le 17 mars 2016. C'était un accident de voiture avec choc frontal sur le chemin du travail à Arlon, avec un jeune homme ayant tous les torts et en défaut d'assurance. Cet accident me vaudra 4 mois d'hospitalisation, 17 mois de rééducation pour les 12 fractures du bassin résultant de cet accident de la route. J'assisterai à la télévision depuis mon lit d'hôpital, 5 jours plus tard, aux attentats sous faux drapeau de l'aéroport de Zaventem et du métro bruxellois le 22 mars 2016. De 1999 à 2016, le delta entre ces deux accidents graves est de très exactement 17 ans. Après le décès de la mère de mes deux enfants en octobre 2008, suite à un turbo-cancer, j'ai pris 3 ans et demi de congé sans solde à l'armée afin de continuer son activité de restauration jusqu'en 2012. N'étant pas du métier et subissant de plein fouet la crise des subprimes de 2008, j'ai fini par jeter l'éponge et par déposer le bilan de ce restaurant le 17 mars 2012, soit 4 ans jour pour jour, avant mon accident frontal du 17 mars 2016. Je vais donc retourner sous les drapeaux en mars 2012 suite au dépôt de bilan pour poursuivre ma carrière militaire jusqu'en 2018. Le total de toutes les lésions contractées en 30 années de carrière militaire avec ces deux accidents graves et d'autres lésions mineures dues à des prises de risques inconsidérées durant la carrière est de 18. Toutes ont été reconnues par la médecine du travail sauf une qu'ils ont refusée. Soit 17 lésions m'octroyant une pension d'invalidité. En octobre 2017, l'armée m'enverra en commission de mise à la réforme. Je suis donc pensionné médical depuis le 17 janvier 2018. Que de coïncidence ou non avec ce 17 qui jalonne ma route. Le 17 est ma liberté. En novembre 2020, ma seconde compagne demandera le divorce pour cause d'incompatibilité d'humeur. Elle me reprochera via son avocate mon obsession à vouloir comprendre le monde de Q et ses 4966 mystérieux messages, et de représenter un danger psychologique pour elle et ses 3 enfants. Et ce, après s'être montré totalement imperméable à mes recherches auparavant, et surtout à mes mises en garde concernant les injections qui arrivaient. Mon divorce sera prononcé, je vous le donne en mille, le 17 décembre 2020. Un divorce pour motif de complotisme, une première en Belgique puisque réglée en moins d'un mois par une juge d'extrême gauche qui devait détester Trump. Ce divorce m'a néanmoins permis de retrouver la liberté d'action, la liberté d'informer, la liberté de réveiller et celle de trouver une nouvelle famille chez les éveillés des Trois Frontières, un collectif de 700 personnes sur la région d'Arlon dans le sud Luxembourg belge. J'ai bon espoir qu'en 2025, nous connaîtrons l'épilogue de cette grande histoire de Q. Et alors, cela fera très exactement 17 ans que j'aurai perdu la mère de mes enfants en octobre 2008. Une belle âme rencontrée en septembre 1991, soit il y a 34 ans, c'est-à-dire 2 x 17. Ce sera, je l'espère, mon dernier octobre rouge. Le 17 est partout autour de moi. C'est un ressenti plus qu'une interprétation personnelle. Même si bien sûr on voit dans les chiffres ce que l'on veut bien y voir. Je pense néanmoins très sincèrement que le nombre 17 a une grande importance dans ce que nous vivons actuellement tous et toutes et que le meilleur reste à venir. Je vous souhaite 17 fois à toutes et à tous tout le bonheur que vous méritez et de prendre soin de vous et de votre famille. Je vous envoie également 17 000 Where We Go On, We Go All. Sherpa One, fin des émissions.